pouvoir pour faire des politiciens. Tu n'attends plus rien. Toujours fidèle à toi-même, tu vis carpe diem. Tu seras toujours.